guerre éclate dans les vallées. Les royaumes s'élèvent et tombent. L'hôte est emmené loin de son camp. Quand les rois s'affrontent dans l'ombre, Abraham court avec ses hommes. Il délivre sans chercher un trône. Et au retour sur le chemin, une rencontre change tout son nom. Avant les victoires humaines, tu révèles. Béni soit le Dieu très haut, source de nos délivrances. Nous refusons les richesses sans toi, mais recevons ta bénédiction en silence. Melchisédek apporte le pain et le vin, bénédiction mystérieuse et profonde. Abraham lui offre la dîme. Encore voir la croix du monde. Le roi de Sodome propose ses trésors, mais Abraham lève les yeux vers les cieux, car il sait que sa richesse ne vient pas des royaumes fragiles sous les yeux. Béni soit le Dieu très haut.